très éveillé. Qu'est-ce que t'as fait, Mathieu? Hey, tu m'enregistres, c'est ça, ça va pas en langue, tu sais. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème, numéro 125! Wouh! Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred! Mathieu Bouillon. Bonsoir à tous! Et Tammy Verge. Mmh. Bonsoir Antoine, bonsoir Mathieu Bouillon, bonsoir Frédéric Barbouchy. Mais oui, on a eu des petits problèmes et Jean-Philippe avait quelque chose demain. Et puis, bref, pour des raisons... De conflit de personnalité. Oui. Non, d'horaire, surtout de ma faute. Non, mais voilà. Sa maudite face, mais on revient pas. Non, mais il nous a quand même enregistré le problème. Oh, il est-tu mal? Oui, oui. Le minimum. Oui, oui, oui. Oui, hey, d'ailleurs, je l'aime pas. Mais juste avant de, ça, je de, l'explique, Tammy, je l'aime pas. De parler du problème de la semaine, oui. Je voulais dire bonjour à un autre podcast, Trois bières, auquel j'ai participé. Oui, comment ça a été, ça? Sortir, ça a bien été, c'est la deuxième fois que je participais. Et non seulement ça, c'est que le podcast de la semaine d'avant, oui. Eh bien, ils ont abordé notre problème qu'on pose à tout le monde. Comment... Oui. Changer le monde avec le moins d'efforts possible. Ah, ils vont pas gagner notre concours. Non, parce que la meilleure idée, c'était donner du sang, que c'est une très bonne idée. Le reste, c'était des petites affaires. C'était très sympathique, mais je pense qu'ils ont... Non, ils voulaient pas participer au concours, je pense. Ah, OK. Mais participez, hein? L'événement Facebook, invitez vos amis. Absolument, et puis on en a des réponses, oui. C'est le fun. Oui. Puis je remarque que dans la plupart des listes d'événements de tous les gens, là, ça doit être le dernier en bas. Non, mais tu sais, dans le sens, c'est lui qui la date est le plus loin. T'sais. Ben, c'est juste avant l'apocalypse. Oui. Ou ça, ou des shows de théâtre intenses, là, de monde. Parlant d'événements, oui. Non, on en parlera plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Ben, il n'y a pas une rumeur. De quoi? Oui. Ben, qu'on ferait quelque chose devant le public. Ben oui, mais j'ai pas encore la date. Je le sais, mais c'est pour ça, c'est une rumeur. Là, la semaine prochaine. Là, je sais que j'ai déjà dit ça avant. Mais là, je leur dis, je pense que la semaine prochaine, ben là, je l'ai lancé, là. On veut faire un événement public cet été, donc restez aux aguets. Oh, yeah! Moi, j'aime ça, les événements publics. C'est... Je peux enfin voir votre face. C'est vrai. Parce que je suis toujours en train de vous entendre dans les pas de problème, puis je vois jamais tu votre face. Tu m'imagines? C'est vrai, ça. Ah, mais attendez, ce soir, je vois votre face. Tu vois notre face. C'est pas ma vraie face. Cagoulé. Tu vois notre peau parfaite de bon. Visage. Bon. Alors, est-ce que Jean-Philippe va nous lire le problème? Jean-Philippe va nous lire le problème. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un clin d'œil à notre ami Sébastien Bouchard. Oui! Qui nous a envoyé un problème il y a de cela très longtemps sur le fait que sa blonde partait avec Oxfam pour un voyage en Afrique. Oui. Eh bien là, on a répondu tard à son problème. Oui. D'ailleurs, c'était la semaine passée. Et cette semaine, on répond à un autre de ses problèmes. Wow! Sébastien Bouchard, acte 2. Ça vas-y. Va-tu, Sébastien? Il y avait beaucoup de problèmes, hein, Sébastien? Mmh. Beaucoup. Ouais. C'est tout relié à sa blonde. Jean-Philippe? On t'écoute. Go! Salut Fred, salut Antoine, salut Mathieu, salut les podophiles, c'est Jean-Philippe, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire le problème de cette semaine qui nous vient de Sébastien Bouchard. Et j'ai droit de dire son nom parce qu'il a marqué PS, pas obligé de garder mon anonymat. Donc je vais le dire très tranquillement pour que tout le monde s'en rappelle. Sébastien Bouchard. Ça va comme ça. Devinez quoi? J'ai un problème. Ma blonde avec qui je suis depuis 7 ans est partie en stage humanitaire pour tout l'été. C'est la première fois de toute ma vie que je vais vivre seule dans un appartement pour une si longue période. J'ai peur de passer à côté de mon été et de devenir une locumène qui ne fait rien de bon. Donc, ma question. Comment profiter de mon célibat forcé et ne pas sombrer dans la déchéance et la surdose de spaghettis jus de tomate? En passant, merci pour vos anciens conseils. J'ai eu droit à mon carnet de coupons. Et ça nous vient encore une fois de Sébastien Bouchard. Mais écoutez les podophiles et les podcasteux, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit bientôt. Bye. Merci Jean-Philippe. Ah, oui. C'est de valeur que Jean-Philippe soit pas là parce que il est pas en célibat forcé depuis... Est-ce que c'est vraiment forcé? Les offres cognent ou pas? Et c'est là qu'on rajoute le chou. Chou! Voilà. Impeccable. Chou! Donc, chou! Messieurs, dames? Oui! Chou! Ben, en fait, là, tu sais, couple ou pas couple, lui, c'est la solitude dans l'appartement dont il a peur. Fait qu'il peut se trouver quand même un colocataire de substitution, tu sais, un étudiant français lourd ou quelqu'un qui quitte lourd. Ses parents. C'est prérequis. Ben, souvent, quand ils cherchent pour l'été, c'est qu'ils ont des cours d'été. Ouais. Mais il n'est pas célibataire. Techniquement, non. Il est encore en couple. Oui, quand oui. Tu t'es engagé pendant 7 ans avec une c'est fille, ça. Même si ça part une couple de semaines, tu es encore en couple avec elle. Oui. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il joue sur la ligne. Il n'est pas célibataire en théorie, mais en pratique, il l'est un peu. Mm. Comment jouer sur cette ligne-là pour y trouver son plaisir? Et surtout que Sébastien, c'est pareil, il y a un carnet de coupons. Ouais. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. C'est peut-être le temps de se payer. Il a peut-être droit à une infidélité. Peut-être qu'elle a dit, là, je te donne un air lousse. Air lousse. Un air lousse. Mais avec un français lourd. C'est un été, mais on comprend. Il y a des gens qui vivent avec des marins, par exemple, mm-hmm. des militaires ou des gens qui vont travailler sur des plateformes. Comme ils voyagent. Je te remercie, exactement. Qui vivent ça, mais de façon régulière. Mm-hmm. Ça change peut-être un petit peu. J'ai une expérience personnelle. Oh! C'est intéressant. T'as du personnel, Antoine, dans ta vie, mettons? Constamment. Ah. Je suis en Angleterre, en affaire pour apprendre l'anglais. J'ai 15 ou 16 ans. C'est là que tu mangeais ton riz aux patates. Exact. Ouais. J'habite... Avec du pain. Oui. Et des pâtes. Exact. J'habite chez l'habitant. On me reçoit, un couple, blablabla, par genre. Le lendemain, le mari quitte. C'est un marin. Au revoir, adieu, la femme pleure un peu, tout ça. Moi, je le connais pas, je ne pleure pas, je le salue quand même. Et à l'intérieur de 3 heures, non. L'autre gars arrive. Oh! C'était toi? Non, c'était pas moi. Mais il s'installe. Il est là, il connaît les voisins, il y a quelque chose de... Il s'installe, il va être là pour, je sais pas, un mois, 2 mois, 3 mois. Attends, c'est-tu... C'est convenu avec le gars qui part? Je suis pas sûr. Moi, être un marin, partir 6 mois par année, là, c'est peut-être une extrême. À un moment donné, je me douterais bien que ma femme ou ma copine... Ça, nécessairement, je sais pas trop. C'est comme, c'est fini jusqu'à temps qu'on se voit, c'est ça? Il y a peut-être de ça. Je sais pas. Mais dans ce cas-là, il faut que tu t'entendes avec la fille, là. Oui. Tu sais, je pense pas qu'à Oxfam, elle va frencher fort, là. Non, c'est ça. Là, ça, c'est un autre contexte. Il paraît que... Oxfuck. Y'a-tu dit ça? Ouais, parce que c'est ça. Mais on le sait, par exemple, les sous-mariniers français. Que des hommes, hein, acceptent pas des femmes encore. Ça. Vous savez pas ça. Ils partent pour 70 jours à peu près. Ben, les quatre sous-marins nucléaires français, ceux seuls qui s'intéressent à la marine. C'est sûr qu'il y avait deux filles. Ils partent pour 70 jours en mission, mm-hmm. mais c'est une des dernières marines qui refuse les femmes à bord des sous-marins. Mm. Parce qu'ils ont peur qu'il se passe des choses. C'est de la marine. Comme s'il n'y avait pas d'homosexuels dans la marine. Il n'y a que ça. Les YMCA ont fait des chansons. Ben, enfin. Mais c'est ça, donc c'est un petit peu comme tu disais. On soupçonne qu'à Oxfam, à Frenchera pas. Donc, ici, est-ce qu'il y a une responsabilité morale de faire au-delà de dépendamment de l'entente qu'ils ont. Mais si, bon... Je lance des affaires. Là. Non, mais je veux dire, il y a l'avenue, je me paye, on trompe sa blonde, ou il fait comme, c'est un arrêt, je te l'avais pas dit, on reprend quand tu arrives. Et là, bon, ben, y a les conséquences qui viennent avec ça. Parce que, je veux dire, c'est quand même un choix. Ou, il va se payer les oreillers japonais, là, avec les personnages animés dessus. Ça s'appelle les Makuta. Oui, ben, il y a un petit phénomène de gens qui couchent avec des oreillers... En forme humaine? De 1,50 m à peu près. Non, pas en forme humaine, avec un dessin de manga dessus. Même pas l'être aimé, là, un personnage fictif. Fictif, okay. Mais souvent, c'est leur être aimé. Ouais, c'est ça. Là. C'est ça. Non. Donc, peut-être essayer ça cet été, Sébastien. Ouais. Mais c'est drôle, moi, j'aborde le problème de Sébastien et je n'ai aucune mauvaise pensée en tête. Je pense que Sébastien aime sincèrement sa blonde, puis que lui, c'est plus le fait, c'est le pur ennui, là, le fait de rien... crisser de ton été. Tu l'as dit en début, c'est s'empêcher de côtoyer des femmes. C'est le célibat, c'est la solitude. Ah, vous me choquez. Parce qu'il a parlé de... je finis, il a parlé qu'il n'avait jamais vécu seul une si longue période. Je pense que c'est vraiment le fait de ne pas avoir de coloc, d'amis ou de... Mais pourquoi il ne partirait pas, lui, pour l'été aussi? Quelle belle idée, ça. Tu reviens en même temps que ta blonde. Oxfam en Afrique. Faut non, choisir... non, mais lui, la ronde, là. Faut choisir notre solution préférée à la fin. Ben, jusqu'à maintenant, c'est celle-là. Pas toi aussi. Attends, attends, j'ai d'autres projets. Attends, tu sais, celle-là, jusqu'à maintenant. Il vit une double vie, en quelque part. Ah, c'est que j'ai et sa relation, et le célibat. Est-ce que c'est pas un alter ego, ça, parfait? Mm-hmm. Est-ce que ce serait pas l'occasion de vivre une double vie? Or, le mettre au service du bien, devenir un super-héros? Comme le colonel Russell Williams, par exemple. Ah oh, oui, ça, c'est celui qui sniffait des bobettes, là. Oui, oui exact. Ou ce médecin à Boston qui avait deux familles. Mm-hmm. À 5 km de distance, il y avait sa maison avec sa famille, incroyable. 4 enfants. Puis à 5 km plus loin, il y avait une autre femme avec 3 enfants. Il se connaissait-tu? Alors, il partait, puis il disait, ben là, je m'en vais dans un colloque, puis il partait à 5 km. Je me sens. J'espère que tu changes d'épicerie. Je ne sais pas comment tu. À un moment donné, tu dois te mélanger. Là. Ben, écoute, sa femme a découvert à un moment donné des vêtements pour enfants dans l'auto. Ah. Évidemment, mais eux, ses enfants étaient trop vieux. Elle dit qu'est-ce que ça fait là, ces vêtements d'enfants-là, de 2 ou 3 ans. Je ne sais pas comment dire. Puis il a avoué. Il a dit regarde, c'est insoutenable. J'ai une autre famille. J'ai une amie, moi, qui soupçonne son père d'avoir ça. Parce que son père, fait des longs voyages en Haïti depuis qu'elle est née. Tout le temps? Tout le temps. Puis elle, son frère, ils font comme... Ben, ça nous étonnerait pas qu'il y ait une autre famille. Imagine! Ouais. Alors, Sébastien, il est comme sur le... Tu sais, sur la fameuse ligne, il aurait le droit. Ouais. Peut-être une opportunité. Une occasion. Ouais. Mais là, il ne faudrait pas qu'elle écoute ce podcast-là parce qu'elle pourrait commencer à se douter de quelque chose. Ouais. Mais il pourrait tout de suite faire « Mais bon, c'est n'importe quoi. C'est réglé pour 10 ans. » Non, mais alter ego, à un moment donné, tu es capable, je pense. C'est vraiment une autre personnalité. C'est pas toi. Cet été-là que tu vas passer, c'est une autre personne. Ça n'engage pas la personne qui est en relation avec ta blonde. Mais ça, là, tu vas faire le bien la nuit. Tu vas punir les criminels. That's it. T'es deux personnes en une. Moi, je trouve que c'est une occasion rêvée. Ouais. Moi, j'ai de la misère à faire des petits mensonges, là. Fait qu'imagine. Les gros. Faut non, tu lui dis, elle te croit pas, elle rit, elle fait arrêter de niaiser. Oui, je me déguise. La nuit, arrête de niaiser. Mais moi, si j'étais Sébastien, mettons, je vivais sa situation, j'enverrais des textos personnalisés ou des courriels personnalisés à mes amis. Puis là, je leur dirais, hey, écoute. Je t'envoie un hameçon à la mer. Tu mords ou tu mords pas, mais j'aimerais ça passer plus de temps avec toi dans les 3 prochains mois. Ouais. En septembre, je veux plus te voir la face, mais mettons. Tu sais, puis t'essaies de te trouver des. Pour pas vivre le spaghetti jus de tomate, mais pour vivre le petit barbecue. Mais au contraire. Mercredi. Ouais. Au contraire, je pense. Ben, je pense que c'est l'occasion de vivre des choses seul. Ah oui? Il est en couple, il a souvent été en couple, ou à des colocs, ou habité avec sa famille. Intéressant. Si ça va bien, on soupçonne qu'ils vont peut-être avoir des enfants, tout ça. Est-ce que c'est pas le 3 mois solitaire où tu fais « c'est là, là ». La méditation. Backpack en Europe. Le marathon. Backpack en Europe. Écrire son roman à la Shining. Apprendre le ukulélé. Tuer sa famille. Non. T'arrêtes juste avant. Okay. Non, tu te contrôles. Ça, c'est peut-être une occasion, là. J'avoue que ça serait, ouais. Quitte, là, à faire, t'écris au monde, tu fais, hey, moi, je quitte, je reviens en septembre. Ouais. Tu quittes pas, tu fais, ça y est, moi, je vis mon affaire. Faut choisir une solution à la fin. Oui. Jusqu'à maintenant, comme c'est ça, celle-là. Plus que la solitude. Plus que la double vie de meurtrier. T'es coquine. C'est quoi ma solution? Mais j'aime j'aime l'idée, mettons, de développer un talent de façon quasi autiste pendant un été. Mm-hmm. Sa blonde revient, là, tu lui joues un concerto au piano. Là, imagine. Elle pleure. Là, le Rack 3. Tu écoutes notre podcast numéro 83? Non, c'est avant ça. Ah oui? Non, mais peut-être qu'il communique avec elle par Skype des fois. Coupe ça, coupe les ponts. Non, mais c'est une erreur. Si jamais il décide de continuer... Vraiment, prendre une pièce de sa maison et la transformer en pièce africaine, comme pour... Quand il va là, il est en Afrique avec elle. En hommage! Oui. Ah, j'aime ça. Moi, non, mais des fois, il est sur Skype avec elle. Des fois, ah, puis ta journée... Ah, il faut que j'aille... Puis là, tu sais, Il est en Afrique lui aussi pendant ce temps-là. Mais il peut pas avoir de maîtresse parce que c'est vraiment malaisant. Là. Ben, c'est une maîtresse africaine, sinon. Ah, je m'en vais en Afrique. Ça sera pas... Ben oui, sa maîtresse peut être une figurante. Tout simplement, joindre l'utile. En boule, en arrière, dans le background. Il se fait une fille chez eux et il dit non, non, ouvre pas cette porte. N'ouvre pas cette porte. On va pas en Afrique. Ce soir. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique, va oui. pas là. L'Afrique, nous, haïr. Oui. Non, mais ou sinon, tu sais. Il y a la maison à lui. Je sais pas s'il est en appartement ou il y a une maison, mais peu importe. C'était quoi l'émission où la personne partait une journée, puis là, il revenait, puis c'était, c'était complètement changé. Là. Ta vie. Double défi. Ouais, mais il y avait une... Ouais, il y a une couple de variantes. Ouais, mais... Tu sais, en profiter pour flipper la maison, là. Tu sais, pas prendre l'après-midi, mais prendre ouais. l'été pour faire... Quand elle va revenir, là... Ça va être sa maison de rêve. Wow! C'est cool, ça! Ça conjugue la solitude, travaux manuels. Oui, exact. Hein? Tu peux te transformer en... Tu vas avoir une deuxième vie de contracteur. Ben oui. Oh oui, W. Double des talents. Complètement. W. Ah ouais. Hey, une autre solution concrète, là. Moi, là, ça doit faire ça. Dans mon quartier, à chaque été, je reçois la brochure des activités d'été. Qui oui. prend direct le bord de la poubelle, parce que je me dis, quand j'ai pas le temps... Tu vas le recycler. Ben, la poubelle recyclable. Ah. Mais, crime, avoir un été là, juste à moi, là, ben, je prendrais là, le t'es cours de brelan ou tu sais que. Tous les cours! Le spectacle au parc. Oui, tu sais, comme aussi, le clown cruciverbiste. Ouais. Oui, puis tu te fais genre un photo une programmation. Oui. Non, mais tu te fais comme un scrapbook après de oui. toutes tes. Tu dis, moi, face à ces activités-là, hétéroclites, imposées par mon arrondissement. Par mon arrondissement. C'est intéressant. Mais imagine s'il prend ce temps-là oui. pour aussi faire comme résoudre un meurtre. Ah. Oui, c'est ça. Tu te lances un défi. Ah, là, je parle de marathon, mais ça peut être utile, une affaire. Tu dis, moi, le conflit étudiant, là. Je vais régler ça. Je m'accote, là. Je vais vous régler ça. Je lance deux, trois téléphones. Moi, je vais trouver la solution. Je vais appeler pas de problème, d'abord. Ou il repasse tous les problèmes de pas de problème, puis il rajoute des solutions en voice-over. Ah, c'est drôle. Puis il édite le CD. Oui. Avec commentaire. Avec si commentaire. Je pense que c'est une erreur. Oui. Là, ouais. Mathieu parle de caca. Le chou, ici, durait 4 secondes. J'achèterais, moi. Oui. Ouais, mais une affaire, c'est ça, pas possible de même, là. Peinture à numéro. Oh oui, la tour Eiffel en cure-dent. Le... Peut-être, mais... Les casse-têtes. Mais j'aime bien quelque chose d'utile. C'est un 3D. Résoudre d'un casse-tête, un meurtre. Ou un... Mais il va pouvoir venir à Montréal en juillet pour venir nous voir. Mais oui, bien sûr! À moins qu'il soit sur une cause trop importante ou qu'il soit devenu un meurtrier en série. Ben, on va faire des meurtres ici. Qui trompe sa blonde appelée Q. Hein? Ça se pourra, ça! Ça se pourra! Magnifique. Mais côté spaghette, jus de tomate, là, oui. moi, je lui dirais, tu sais, passe une semaine à te faire de la bouffe. Ben, peut-être investir dans un gros congélateur. Oui. Mais non, mais là, tu congèles oui. plein de repas. Puis là, après ça... Développer le talent de cuisinier. Il y a ça, il y a ça. Il y a ça. Tu sais, là, la fille qui avait passé à travers le livre de recettes. Julia Stewart. Non, hein? Non, non. Julia Stiles. Ils n'ont pas fait Julia et Julia. Pas Julia Stiles. Name dropping de Julianne Moore. Ouais. Non, c'était quoi? Non, c'était quoi? Julia and Julia, ouais. mais c'était ouais. quoi son nom à elle? Ça devait être Julia. Ouais. Et la cuisine résonnait aussi. De... Ouais. Non, mais tant qu'à s'essayer dans la bouffe, ben, t'en fais pour 4 personnes, puis tu congèles 3 autres... Non, non, tu vas, puis tu donnes ça dans la rue. Ouais. Utile, rends ça utile. OK, Antoine. Tu sais, un bel été, là, où tu rends service tout l'été. Ouais. Quand ta blonde revient, tu lui dis, ne repars plus jamais. Mm-hmm. Plus jamais. Mm. Tu n'es plus capable. C'est plus d'argent. Plus. Ou, petite campagne de financement, coucou éclair d'une journée en Afrique. Ah, salut! Ça, déguisé, elle te reconnaît pas, tu reviens, tu dis le saut qu'elle va faire oui. quand je vais y expliquer que c'était moi. Moi. Une photo, t'es en arrière d'elle dans ses photos. C'est hey, c'est avec débile. Son linge. C'est débile, pareil. Ouais, tu pourrais quel projet. Quelqu'un de le faire avec Photoshop. Tu m'as pas dit mais... salut. Ben oui. Non? Ben non? Le gris-gris, c'était moi le gris-gris. Le gris-gris. Le tigre, la nuit, là. Ah, oui, le gris-gris. Ah, hey, mais... nice, idée ça, j'embarque. Oui. En plus que d'aider le monde. Ouais. Mm. Hey, j'allais dire sur le fait d'apprendre à cuisiner, en plus en été, un poste sur deux auquel tu zappes, c'est une recette avec Louis-François Marcotte. Concours, même. Mais concours, les chefs, une affaire qui s'inscrit. Ben là, oui. Ouais, il est trop tard. Il y a du temps. Oui, non, je comprends. Mais ou qu'ils se donnent comme défi de faire la recette de chaque chef à chaque semaine. Ça en fait des bouffes. Il y en a des chefs, là. Mais de moins en moins à chaque semaine. Oui. Ça s'élimine, là. Mais c'est de même, le, les chefs. Ça s'élimine. Oui, chef. Ça s'élimine. Oui, chef. Oui, chef Ramsey. Mais il y a comme une... Il y a un été de possibilités devant lui. Mais c'est surtout trop... que c'est l'été. Imaginez le même problème l'hiver, là. Ah, plate, triste. C'est l'été, c'est des possibles. Tu l'as dit en chouette brochure. L'été, c'est fait pour jouer. Oui. L'été, c'est fait pour jouer. Tu sais, un été sans attache, un été sans blonde, un sans été point. Sans point ni coussin. Chou. Attends, je vais l'ajouter. Là. Cet été, maman est chez le coiffeur. Mais... oui. mais c'est une occasion de Frenchie aussi. Oui, si ça étend d'aller au bout de ça, l'été des secrets, Fiori. Pierrot, l'été des secrets. Non, mais en même temps, c'est ça aussi. Après 7 ans, il paraît que c'est des chiffres charnières. Hein? 7 ans, 3 ans, il y a une légende urbaine qui dit ça. Ben, c'est peut-être l'occasion de faire « Hey, je vais voir ». Il y a un gars, une fille sur qui j'ai un croche, puis je vais voir au bout de ce croche-là. Mais ça me confirme Vanessa que j'ai. Vanessa Paradis, là, qui est libre. Oui, elle a laissé John. Hey, je suis choc, chater. Mais peut-être pousser ça là que du côté. Tu sais, des affaires que tu fais pas quand il y a une autre personne chez vous. Te laisser pousser la barbe. Non, mais. Va te laver. Oui, oui. Tu vas jusqu'au bout de ça. Acheter la Real Doll. Ah, mon Dieu! C'est quoi ça, Real Doll? Non, c'est pas... Des petits gonflables. Non, c'est pas gonflable, c'est comme une poupée en silicone, là. Mais, comme trop. Oui, là, la texture, c'est juste un peu lugubre parce que ça a l'air d'une femme... Morte? Morte. C'est 8000 $ c'est ah ouais, ben donc, t'as loup, là. T'as loup, hein. T'as vide, t'as loup. Ah! Non, mais qui dit que tu fais une femme quelque chose? Vider de l'air, je veux dire, vider de son âme. Ouais, ça se peut que tu passes juste un bel été avec, t'écoutes des films tranquilles, que ce soit platonique, crème glacée, blabla. Elle me comprend. Tu n'es pas obligé de la fourrer. Il y a un film de même. Oui, oui, le gars qui reçoit ça dans une boîte, là. Il s'appelle Jean-Philippe Le Soret. Pinocque? Ça se peut-tu? C'est Pinocque? Il y a un film d'horreur. Ah, c'est pas un film d'horreur. Non, c'est avec... C'est le gars, puis il sort avec une poupée gonflable. Ryan Gosling ou avec... Wrestling. En tout cas, oui, Jean-Philippe Le Soret. C'est qui, lui? On salue. Non, mais des affaires, là, que... Tu sais, tant qu'à être seul chez vous... Tu sais, je sais pas, moi... jouer au dard sur... Je cherche pendant que je vous parle. Aidez-moi! Non, mais tu fais une affaire obsessive compulsive, là. Oui! Tu fais « OK, je vais écouter... » J'habite dans une pièce pour pas salir les autres. Harceler une célébrité nice. Non! Je mange que des céleris. Ouais. Je laisse pousser la barbe. Pas de contact avec la lumière. Quand elle revient, elle est toute bronzée. Moi, je suis blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. Ça me fait mal aux yeux, la lumière. Salut! L'enfant sauvage. Je t'ai préparé une surprise! Je suis resté dans la chambre 3 mois! Ça brûle! Comme le gars dans Seven. Ça arrive. Plein de plaidies. Le millionnaire, là, enfermé, là. Howard Hughes, l'aviateur. Hugh Grant, l'aviateur. Ouais. Ou la fille là, enfermée dans son sous-sol par son père avec ses 7 enfants. Ah oui, génial. C'est c'est non, mais elle sortait dehors. Hein. Oui. Non, je pense pas. Même pas? Non, je pense que non. Ah, c'est pas possible. Je pense qu'elle sortait dehors. Une fois par année, un des enfants avait le droit de sortir 30 secondes dehors. Tu dis ça par hasard? Je dis ça en blague. Ah, ouais, okay. Ah, c'est une très bonne blague. Je faisais ça. Mais non, je pensais que t'avais lu la charte des règlements. Quelle règle de marde? Vas-y, Déo. C'est ton 30 secondes. Sache qui manque. Ouais. Pendant 364 jours. J'ai l'impression qu'on pourrait passer des heures à trouver des possibilités. Ben, je pense que c'est cette idée de base-là, peut-être, de quelque chose que tu n'as jamais pris le temps de faire. De gros. Ouais. Mais tu n'as pas pris le temps de faire. Tu voulais apprendre un instrument de musique, tu voulais apprendre un sport, tu voulais lire le temps perdu, tu voulais écouter tous les films de je sais pas qui. C'est là que ça se passe. Ouais. Il y a peut-être une solution où on est passé à côté, là. Oui. C'est que vous invitez des spéciaux guests. Des special guests. Oui. Ouais. Peut-être qu'il pourrait participer au prochain Pas de problème. Aussi. Il devrait investir du temps en recherche, ce qui comblerait peut-être son temps de solitude. Ça, c'est... Puis, il rencontrerait des nouvelles personnes en Antoine Vézina, Mathieu Bouillon, Fred Barbouchi et Jean-Philippe Durand. Oui. Tu sais, ça peut être ça, là. Ouais. Mais s'il vient au live, par contre, on prend les problèmes directement dans la salle. Il y a moins de travail, ça l'occupe moins. Ouais. Mais il va être stressé pendant 2-3 semaines avant. Il y a peut-être aussi la solution de ne pas changer d'une miette. Tu sais, c'est-à-dire vraiment rien faire. Comme si elle était là encore, sa blonde. Non. Tu fais 2 repas, t'en jettes. Warp zone. Ouais. Elle revient comme si c'était le lendemain. Toi, là... Cryogénie. Oui. Ou... au génie! Excusez. Mais... non, mais tu sais, t'en profites pour être le procrastinateur par excellence. Oui. Tu prends des photos de l'appartement, commenter de quoi t'as l'air, puis tu fais, ça va être identique quand elle va revenir. Ouais. Dans le frigo, ce qu'il y avait quand elle est partie, tu rachètes un bout de concombre, la pomme un peu vieille, tu checks ça aller. Ouais. Puis elle revient, puis tu fais, ah, t'es pas parti en Afrique? Ouais. J'aime ça. Tu sais, un été pour toi, tu là, tu peux la tromper parce que techniquement, ce temps-là n'existe pas. N'existe plus. C'est ça. Un été pour toi tout seul, moi, je trouve que c'est l'occasion de faire des essais esthétiques aussi. Cheveux. Moustache, barbe, épilation. Tu sais, comme, essaye des affaires. Il y a plein d'affaires qu'on n'ose pas des fois. Là. Mettons, moi, c'est. Piercing. Le piercing, le tatouage. Ouais, t'essayes de tatouer. Ou porter des t-shirts comme Antoine. Porter des t-shirts tout blancs. C'est mon pyjama. Il est très on fait beau, ça plus tard que prévu. Ton t-shirt du 75e de Montréal-Nord. Merci, 1915-1990. Mais, par contre, j'ai de la misère à lire ton slogan. Hier, aujourd'hui, demain, la ville, c'est toujours toi. C'est un long slogan. Oui, ça se dit pas facilement. Mais pourquoi pas? Tu sais, s'il aime sa blonde, là, parce que, veut pas, on sent ça hein, dans son problème. Oui, quand puis dans les problèmes qu'il nous a proposés fait, avant, le dernier, c'était sa blonde. C'est presque obsessif. Là. Ouais. Ben, profite de cet été-là pour préparer des surprises et des moments spéciaux avec ta blonde pour au moins les 3 prochaines années. Ça, c'est têteux. Non, mais attends. C'est têteux. Tu mets le paquet là-dessus. Tu sais, tu prépares des affaires là, pour rien. Puis après ça, tu fais bing. Ah, ça a pris toute la semaine de faire ça. T'achètes tes cadeaux de Noël. Oui! Des 3 prochaines années. Ouais. Les fêtes, les affaires. Non, mais tu sais, régler des affaires que ça ne nous tente pas tout le temps. Tu payes tes comptes pour les 3 prochaines années. Tu achètes du linge pour les 3 prochaines années. Des chandelles. Cannes de concert. J'avais pas jusqu'à là. C'était beau dans ma tête. Je sais, je faisais du pouce. Ouais, vas-y. C'est fini. Non, mais il y a plein de tu manges pour les 3 prochaines années. Oui. Tu m'imites-tu, là? Ben non, à toi. C'est pas bien bon. Quelle mauvaise imitation. C'est pire que quand vous m'imitez. Vous m'avez tellement appris. Non, il t'a pas pire, je trouve, hein? Non, c'est Jean-Philippe. Vous m'avez tellement pour. Ouais, là, on dirait Milhouse. Ainsi, clairement, Milhouse. Non, en fait, Mathieu Bouillon, c'est pas Milhouse, c'est Monsieur Burns. Ah! Oh! Oh oui, c'est vrai. C'est comme vrai. Tous les personnages des Simpsons avec une coche plus efféminée. C'est le même, vous m'imitez. Ça, c'est drôle. Bon, mais il y a quelque chose d'infini là-dedans. Oui, hein? Ben, pratiquez des imitations. C'est très agréable à réfléchir. Devenir imitateur. Et peut-être qu'on devrait, nous, en tant que pas de problème, on devrait garder une minute pour ce problème-là à chacun de nos podcasts. C'est une intéressante idée, ça. On va y réfléchir. Oui. Pendant une minute. Toi, JP, qu'est-ce que tu dis de ça? Ma papa. Ah oui, JP, tu trouves que... Ma papa. Ah, vraiment? Ma papa. Ah, t'as raison. Hey, avant de... Si tu rencontres ta pageur, tu le salues. Ou Peterman Patty. Avant de dire quelles sont nos solutions préférées, je voulais vous inviter à voter pour nous sur iTunes Store. Oui. 5 ou rien. 5 ou rien. Hey, on veut vos problèmes. On en veut, là. Essentiel. Puis si vous êtes en train de vous dire, j'en ai déjà fourni 8, comme Sébastien Bouchard, ben parlez-en à vos amis, poussez-les, invitez-les à le faire. Ou vous pouvez toujours le faire sur Facebook, Twitter ou notre courriel podproblème@gmail.com. Pod, P-O-D, hein, vous savez tous. Mm-hmm. Et on aimerait dire bonjour à un nouveau podcast. Les Martineau. Oui, on les salue. Alors, c'est pas encore disponible sur iTunes, mais on les salue. On leur souhaite bonne chance. Oui, et bienvenue. C'est animé par Martineau, Martineau et Martineau. Voilà. Oui. Et, permis de voter. Oui. Et puis, vos solutions préférées? Ben moi, j'y vais avec l'idée de prendre ça à bras le corps puis d'affronter sa solitude. En se développant des talents personnels. Mm-hmm. Une occasion en or, oui, de vivre une autre vie. Peut-être de meurtrier. Moi, j'ai pas vraiment écouté ce qui s'est dit. Fait que ma solution préférée, si j'ai bien compris, c'est avoir 15 ans puis faire un échange étudiant avec des vieux loups de mer britanniques. Laissez l'été avoir 15 ans. Moufette qui perd. Moufette qui perd. Non, mais moi, je sais pas. J'avoue que la deuxième vie m'intéresse. Mais aller sur une de ces photos en Afrique. Ah, oh, c'est tellement drôle, ça, pour vrai. Là. Ça, la face. C'est génial. Ça, t'en parles toute ta vie après. C'est clair comment c'était niaiseux. Ouais. Puis elle, pendant qu'elle pack ses affaires. Là. C'est peut-être aussi, tu sais, un plan de carrière, là. Après ça, tu fais des conférences. Tu vois, là, ah, la ça fois que j'ai. Ouais, ça ouais. J'ai pris. Mon voyage anonyme. Ouais, c'est ça. En Afrique. La fois où j'ai raté ma shot. Là, hey, t'es là! Oh. C'est digne de Alexandre Jardin. Ah oh, oui, c'est ça, vraiment c'est gardé. Vrai. Ouais. Clairement, le romantisme. Ouais, ouais. Ah oh, oui. Ou à l'instinct. Il a mis sa vie avec cette femme-là, c'est ça. Hey, moi, voilà. J'ai pas une diphtérie à Miganda. La semaine prochaine, Mathieu, oh, un problème épineux. À savoir? Celui d'Olivier Roberge. Je sais pas, ouais, pourquoi pas? Ben oui, comment faire des choix? Comment faire des choix? Non, c'est pas Olivier Roberge. Ah! Hey, mon erreur. Non, c'est dans deux semaines. Ça peut être ça, là. Ah, je l'ai, là. T'as. C'est les vidéos virales. Oui! Comment créer un bon vidéo viral? Hey, ben oui. Ça va être viral, ce podcast. Ben, ah, c'est une bonne question. Mm-hmm. Ouais, hein? Ouais, moi aussi, je me suis posé ça aujourd'hui, là. Puis... Ouais, mais, j'ai regardé ça. Hey, c'était un rendez-vous? Hey, merci, Tammy Verne. Oui, je voulais te donner le mot de la fin. Oh! Si ça te tente. Le mot de la fin, c'est le fun de voir le pas de problème de l'intérieur. Oui. C'est la première fois. Mm-hmm. Puis, je dois dire que je suis très déçue. Chou! Non. C'est le fun de voir vos faces. Merci. Et le mot de la fin? Ah, oh, mange la marde. Vous avez un... Vous avez... T'as jamais écouté jusqu'au bout? Je te le dis, vous avez... Ah! Ah, OK! Hey, la fille, pas vite. Non, mais vous avez un problème, nous avons un podcast. Bravo! Ouais. Shoo!